À cette époque-là, quand il neigeait, les ponches, c'est... Ils prenaient 5 ou 6 chevaux de barème, je me rappelle très bien. Il y avait des chasse-neige, on attelait les chevaux devant, et allez. C'était pas mécanique, ça marchait toujours, ce truc-là. Déjà même pas. Il y avait les jeunes qui étaient parce qu'il y avait des campagnes. Hein. Vous savez, à moitié chemin pour aller à la Melle, il y avait une ferme, ils étaient trois aussi. Et ils venaient à l'école à barème. Mais il y a quand même une heure de marche, hein. Pleine montagne, ça grimpe. Hein. Et bien, souvent, quand ils passaient au col, il y avait un mètre de neige. Et bien, le père, le matin, quand il y avait de la neige, comme ça, il attelait non pas un chasse-neige, ça aurait fait trop large, un morceau de bois, vous voyez, un petit tronc de bois, derrière le cheval. Le cheval passait devant, mais il traînait son morceau de bois, et les petits passaient dans la trace. Et ils arrivaient à l'école avant nous. Nous ici, on habitait à 50 mètres de l'école. Des fois, on arrivait en retard, ils étaient toujours en avance. J'étais toujours en avance.